La femme est comme, je vais donner une mesure, mais c'est pas exactement ça que je veux dire, mais la femme, c'est comme si elle était à demi incarnée. C'est sûr, vous allez dire, j'ai un corps, papa, papa, papa. Mais c'est comme, elle est plus proche des plans subtils, elle est plus proche de l'occulte, de l'invisible, de la sensibilité des masses éthériques, énergétiques qu'il y a sur la planète. Et puis, c'est comme une espèce de thermomètre vivant de comment ça se passe, ces plans. L'homme étant un exécutant en soi, donc étant capable de densifier beaucoup d'idées, beaucoup de concepts, beaucoup de formes, il a dans un sens un certain avantage dans la matière en étant, je dirais, un facteur de densification, donc d'autorité. Quand on regarde la femme dans les années passées, quand il y avait un travail extrêmement dense de construction avec de la roche, avec tout ce qui demandait de la force physique, une puissance physique, on ne voyait pas la femme dans un rôle d'autorité, on la voyait dans un rôle de support. Et c'est une des raisons pourquoi l'aspect éthérique qu'elle a, l'aspect aérien qu'elle a, lui confère un rôle de support parce que c'est comme si les plans supportent l'homme à travers la femme. Ça se comprend-tu? C'est comme si l'homme coupé de la femme, il a moins accès aux plans. Donc, il a besoin de la femme pour avoir l'intelligence des plans, pour avoir le message des plans. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup, beaucoup de jokes avec le temps. On a parlé de l'intuition féminine. Puis les hommes, eux autres, avec une grosse dent, une grosse bière, ont tendance à dire, ouais, ma femme, elle a des intuitions. Ouais, c'est ça. Ta femme est plus intelligente que toi, bonhomme. Puis c'est pour ça qu'elle a des intuitions. Mais c'est quoi ça, être intelligent? Être intelligent, c'est justement être proche de la source de ce qui est l'intelligence, de ce qui est le suprême plan. Le plan qui doit être descendu dans la forme, il vient des plans subtils, appelez ça, pour ceux qui sont religieux, la voix de Dieu. Mais moi, je vais ramener ça à mon langage que je connais, c'est les plans, les intelligences sur les plans parallèles qui dictent la destinée de la planète. C'est pas les dirigeants de la planète qui dictent les dynamiques de ce qui doit être fait et dit sur une planète, c'est les plans. La femme, elle, étant demi-incarnée, encore là, je vous dis pas que vous n'êtes pas incarnée, je vous dis que vous êtes plus éthérée, fait que ça donne une incarnation qui est moins dense, qui est moins... ça veut pas dire moins, c'est pire. Ça veut juste dire qu'en étant plus dégagé de la densité de la matière, vous êtes plus apte à capter l'intelligence qui, elle, est plus subtile. Si je vous dirais que les forces, c'est des énergies intelligentes non incarnées, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de désavantage à être désincarné. Ça, on suit, là. C'est important parce que les gens, des fois, surtout ceux qui n'ont pas trop de compréhension de ce que c'est les forces, ils vont avoir tendance à penser que tu n'es pas intelligent quand tu n'es pas incarné. Alors qu'au contraire, en étant libéré de la forme, ben, tu es de l'intelligence pure. Il n'y a pas de pression du temps comme pour les gens qui sont denses. Plus vous êtes dense, plus vous avez un combat avec le temps, plus vous avez un combat avec la forme. C'est pour ça qu'on dit souvent des gens, les hommes en particulier, que leur combat dans la matière il est plus difficile à vivre que celui de la femme. Ça ne veut pas dire que pour la femme, c'est plus difficile. Ça veut juste dire que la femme souffre pas de la même façon que l'homme dans son combat dans la forme. Elle va souffrir de quelque chose de plus subtil. Elle va souffrir plus mentalement, exemple. Elle va souffrir plus sur le plan de l'émotivité. Tandis que l'homme, il va vraiment souffrir de la forme. Il va souffrir de son manque de travail, de son manque d'argent. La femme aussi, elle va vivre ça, mais ça va être vécu plus comme une atteinte à sa sensibilité, à son émotivité, à un manque de support de la part des hommes ou à un manque de support de la part des structures. Fait que c'est pas tout à fait la même interprétation. Donc, c'était cet aspect-là éthérique de la femme, donc de l'aspect capacité qu'elle a de capter plus les plans. Ça la rend ipso facto plus intelligente que l'homme. Là, je vois les hommes commencer à craquer. Ah, c'est un parti pris, tu cherches à y séduire, tu veux être plus populaire que nous autres, ta, ta, ta, ta. Non, c'est pas tout à fait ça. La femme est plus intelligente en partant du principe qu'elle est meilleure récepteur. Donc, elle a une capacité de capter plus l'intelligence, la subtilité de l'intelligence. L'intelligence étant un principe, d'infusion. C'est comme si on vous envoie une vibration Et puis, avant que ça se transforme en idée, avant que ça se transforme en action, avant que ça se transforme en décision, c'est vécu comme un état. C'est vécu comme un climat émotif, un climat psychique. Et puis, la femme étant plus proche de cet aspect-là parce qu'elle est plus éthérée, ben elle capte plus. Bon, c'est sûr que si je dis ça pour toutes les femmes, il y a des registres différents d'une femme à l'autre. Une femme qui a été fortement perturbée sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, quoi que ce soit, c'est sûr qu'elle va capter beaucoup plus qu'un homme, mais elle peut avoir une sérieuse problématique d'expression. Tu sais, c'est pas parce que tu captes que tu transmets bien. Fait que vous captez beaucoup, mais la zone de transmission est quand même liée à des facteurs qui sont très denses et très concrets. La communication, tu sais, souvent les hommes vont dire une femme, ça s'explique mal. Ça chiale, ça sait pas ce que ça veut dire, ça fait juste dégager quelque chose, mais ça dirige pas une conversation clairement. Souvent, on entend parler des hommes dire ça. Et ils ont pas tort, les messieurs en question. C'est qu'une femme capte bien, mais selon les niveaux de tension, ou exemple, si elle capte beaucoup trop pour ses capacités, elle va avoir un gros problème de diffusion. Parce qu'elle va être prise dans cet état-là, puis elle sera pas capable de l'organiser, structurer suffisamment pour le transmettre à l'homme. Elle peut y transmettre par une ambiance, par un climat, par un silence, par une absence de communication, où ça va être la pure vibration qui va se dégager. Ça va être plus facile comme ça que si elle essaye de dire quelque chose qu'elle sent, mais qu'elle sait pas. Ça se comprend-tu? Je parle aux femmes surtout, parce que vous autres, c'est plus facile à le lire comme ça. Ça serait l'équivalent pour un homme de capter une idée sans savoir vraiment où il s'en va. Un homme qui est sa vibration, là, il vit ça comme de l'obéissance. Moi, quand je suis une vibration, là, je vis ça comme, bon, ça m'envoie quelque part, mais ça me dit pas où est-ce que je m'en vais. Mais ça m'envoie quelque part. Ça me fait faire des gestes que, si je regarde ça logiquement, c'est pas ça que là, je fasse. Mais sa vibration, c'était ça que là, je fasse. Fait que pour un gars, cette vibration-là, quand tu commences pour un homme à rentrer dans le mode vibratoire, c'est rentrer dans un monde de femmes. Dans un monde de perception, mais comme le gars il est axé sur l'explication, le rationnel, puis la mise en opération, donc la décision versus l'action, bien, ça crée beaucoup, beaucoup de confusion dans le mental de l'homme, parce que lui, il va avoir des preuves, il va avoir des définitions très exactes de qu'est-ce qu'il doit faire, puis qu'est-ce qu'il doit avoir, puis qu'est-ce que ça va donner, puis c'est quoi la résultante de tout ça. Quand on rentre dans cet univers-là de perception psychique, pour les hommes qui auront à le vivre, si vous voulez un bon entraînement avant de rentrer carrément dans l'aspect individuel de la perception des forces, ayez beaucoup, beaucoup de dialogue avec les femmes, puis essayez pas de la comprendre, essayez juste de la vivre. Essayez de vibrer une femme. Je parle aux hommes, là, OK? Là, les femmes vont dire, ah, enfin, on va avoir des hommes qui nous comprennent. Non, vous n'aurez pas d'hommes qui vous comprennent, vous aurez des hommes qui vont vous étudier. Parce que pour un homme, tant que c'est pas logique, c'est pas logique. Puis c'est pas parce que c'est vibratoire que c'est bien intelligent. T'sais? Fait qu'automatiquement, dans sa tête à lui, ça demande toujours de pouvoir comme y aller à petits pas, puis saisir, puis voir où est-ce qui s'amène cette affaire-là. Merveilleux, ça tape. Et puis, dans le contexte d'une relation homme-femme, le caractère éthéré de la femme... c'est un avantage quand la femme a réussi à communiquer ce qu'elle sent. Une femme qui ne sait pas communiquer ce qu'elle sent, c'est un paquet de troubles pour un gars. Parce qu'elle sent des affaires, puis c'est toujours mêlant. C'est toujours... où tu prends ça? Où est-ce que tu s'amènes ton affaire? T'sais? C'est les questions que le gars va se poser. Entre femmes, même, ça peut être mêlant, parce que plusieurs femmes peuvent capter la même vibration, puis ça se vibre émotionnellement différemment. Tout le monde n'est pas polarisé pour les mêmes raisons. Tout le monde n'est pas polarisé dans le sens de bien mal, de vrai de faux, de négatif positif pour les mêmes chocs psychologiques que tu as vécu dans ton enfance. Une femme blessée par un événement, ça devient un défi pour un homme. Fait qu'une femme, elle vit ça comme une blessure, puis le gars, lui, il vit ça comme une motivation pour se battre. Fait que vous voyez qu'elle est beaucoup plus absorbante que le gars. Le gars, lui, est en mode attaque tout de suite. Ça lui donne une raison d'aller mordre l'os du voisin, tandis qu'elle, elle va vivre pendant des années un remords de rejet, qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, ou ci ou ça, parce que la vibration prend plus de place que le mode action. Fait que si la vibration prend toute la place, c'est sûr que le côté éthérique de la femme, dans la forme, c'est complexe à vivre. Tu sais, ça demande un facteur d'enveloppe extraordinaire. Une enveloppe qui va au-delà de la compréhension, que ça va, c'est comme si elle capte quelque chose, puis elle sait très bien qu'elle n'a pas le choix, là. C'est, tu sais, tu te rends dans une ambiance, puis tu le captes, puis il devient des pensées. C'est sûr que pour une femme, c'est très, très important de vaincre la réflexion jeune. Parce que ça fait plus de dégâts qu'un homme. Un homme, il va rationaliser sa réflexion, il va l'organiser, il va lui donner une méthode. La femme, elle, dans la réflexion, est carrément victime d'un courant de pensée qu'elle sait pas si c'est ses pensées de son environnement, c'est des pensées qui sont télépathiques ou n'importe quoi. Il y a, dans son côté éthérique, quelque chose qui absorbe sans pouvoir mettre de frein. Il y a beaucoup de difficultés à empêcher une pensée de rentrer, empêcher un état de rentrer. C'est très, très, très difficile pour la femme. Donc, comme c'est un être receveur, bien, sa fonction naturelle, c'est de supporter. Parce que le support, c'est un principe d'enveloppe. C'est un principe de fournir des munitions à un guerrier. C'est un principe de reconnaissance, d'observation, de lecture des choses. La femme, dans sa fonction, n'a pas vraiment une fonction de forme. C'est pas la forme, c'est la capacité de voir dans la forme ce qui doit être fait. Fait que vous voyez une femme, puis elle sait s'exprimer dans ce qu'elle capte. Elle va toujours être en train d'ajuster une forme. Elle va rentrer dans une maison, puis elle va ajuster un cadre sur un mur, puis elle va ajuster un bibelot. Puis finalement, c'est toutes des niaiseries pour un gars, mais le gars, une fois qu'elle s'en va, tu dis, il se sent pas pareil. On dirait que la maison va mieux, elle tourne mieux, il y a plus d'ordre, c'est plus équilibré. Pourtant, pour le gars, elle a rien fait, mais elle a fait quelque chose. Elle a juste placé comme ceux qui font des affaires asiatiques, là, comment feng shui, ils savent comment placer les bebelles. Mais une femme, ça a le feng shui naturel. OK? Je parle d'une femme là, qui a un équilibre, là, qui capte bien, parce que si elle est trop perturbée sur le plan émotionnel, elle perd ça, elle perd sa capacité d'expression. J'ai établi beaucoup, beaucoup le point sur la condition qu'elle capte beaucoup, mais qu'elle doit avoir un ordre dans ce qu'elle transmet. C'est bien important, parce qu'une femme, quand elle capte beaucoup puis qu'elle se met à vivre du désordre, là, c'est pas drôle. Là, le gars, il veut divorcer, là. Ça, c'est clair et net. Parce que là, elle remplit plus sa fonction de support. Elle tombe en mode reject. C'est même plus, elle veut même pas faire la guerre. Elle veut simplement éliminer tout ce qui crée un conflit avec son être intérieur. Je vais revenir à ça un petit peu plus loin. L'affaire de l'égalité puis ces histoires-là. Il n'y a pas d'égalité. Ça existe pas. Mais quand même, on va rester sur l'affaire de la fonction. Bon. Tu capes beaucoup. Toute ta vie, c'est de réussir à ajuster ton senti dans la forme. C'est ça le karma d'une femme. Tu captes des choses, puis tu ne traites pas la survie comme l'homme. L'homme, la survie, c'est une motivation. La femme, la survie, c'est la dernière affaire qui doit exister sur la planète. C'est fondamentalement anti-guerre. Une femme. Ça veut pas de guerre. Ça veut pas de conflit. Ça veut de l'harmonie. Pourquoi? Parce que si on le regarde dans son principe principal, c'est une personne qui met au monde un enfant. Donc, techniquement, si elle met au monde un enfant, elle veut que l'enfant naisse dans l'harmonie. Bon, vous allez me dire, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Toutes les femmes veulent des enfants, puis toutes les femmes ne trouvent pas nécessairement un homme pour avoir un enfant. OK? C'est simple, ça, là? Fait que, on part du principe qu'il n'y a pas de femmes qui ne veulent pas d'enfants. Toutes les femmes veulent des enfants. Mais ils ont des gros problèmes à trouver un mari qui veut avoir une femme avec un enfant. Ou qui veulent prendre leurs responsabilités. Ou qui veulent leur donner une couverture pour de longues années. Lui créer une enveloppe matérielle pour pas que justement la femme vive de survie. Une femme, fondamentalement, c'est pas faite pour vivre la survie. C'est sûr qu'on a une planète où la survie, on l'a dans l'os, mais c'est pas faite pour ça. C'est pas une machine qui a été créée pour se battre dans la vie contre la survie. Tant mieux s'ils ont des carrières, qu'ils ont fait des études, puis que la vie est favorable, mais si la situation se corse un peu ou devient excessivement aiguë, pour toutes sortes de raisons qui peuvent être d'ordre économique ou d'ordre social, la femme, on va toujours chercher quelque chose qui va la protéger. Puis l'homme, il va toujours chercher un moyen de mieux se battre. Vous voyez que c'est pas pareil pantoute. T'sais, le gars, il dit, le voisin, là, il va tuer ton chat. Pouf, il pense à s'acheter un 45 spécial avec une mire au laser. Puis la femme a dit, oh, peut-être qu'on faudrait aller y parler avant, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben il a besoin de s'ajuster vite. Tu sais, le mental d'une femme, c'est vers l'harmonie. Le gars, c'est vers la guerre. Le gars, il a avantage d'écouter sa femme parce que ça fait de lui un être qui est plus raffiné. S'il n'y a pas sa femme, ben, il a avantage à écouter une femme qui choisit à quelque part, qui lui donne une certaine crédibilité. Toujours sous réserve qu'elle sait bien s'exprimer. Parce qu'une femme, ça peut réellement fucker le mental d'un gars assez vite, merci. Fait qu'il faut toujours sous réserve qu'elle est capable de bien s'exprimer. Et si elle s'exprime bien, que le gars donne du crédit à la femme, il va bénéficier d'une communication qui est quasiment sur un contact, ses plans. T'sais, je vous dirais que la seule chose qui peut remplacer une femme dans la vie d'un homme, c'est le contact. Puis comme le contact adore la communication dans la forme, ben il va quand même favoriser l'homme qui a le contact, favoriser beaucoup de liens avec la femme, puis beaucoup de liens avec l'homme aussi, ça va de soi pour des créations et de la construction. Donc, la femme est la personne qui prépare le terrain pour les 300-400 prochaines années, c'est sûr, pour favoriser la communication puis le langage sur les choses qui touchent la subtilité, qui sont en dehors de la science matérialiste qu'on connaît. Bon, c'est un gros mandat que vous avez. C'est un mandat qui vous est pas reconnu et que vous devez faire valoir, c'est plate à dire, là, mais que vous devez faire valoir à travers la sensualité, la sensibilité, la sexualité et tout ce qui fait que toutes les choses que le gars peut pas se passer. Même un bûcheron qui n'a pas d'éducation va reconnaître dans la sexualité un appétit qui va plus loin que le désir. Il peut dire « Ah, je l'ai baisé 45 fois », mais il va dire « Crèche, je m'ennuie quand t'es pas là ». Tu sais? Pourquoi? Parce que là, c'est comme ça dépasse l'acte, ça dépasse le terrain de la densité, là, ça dépasse le... Tu sais, il y a bien des gars qui vont se dire « Ah, elle a un parfum extraordinaire. Quand elle s'assoit à côté de moi, je sais pas, je flotte, c'est vrai. Elle te fait flotter, man. Elle t'embarque dans son vaisseau et puis tu décolles. » Fait que c'est clair que ce caractère éthéré-là, c'est ce qui fait votre charme, les femmes. Plus vous vous densifiez, moins un homme a d'intérêt pour votre personne. Qu'est-ce que l'homme regarde dans une femme? C'est le côté fluide. Le côté éthéré, le côté dégagé. Il veut le dompter, parce que c'est un gars. Tu sais, c'est plate, un gars. Ça veut toujours avoir le contrôle. Ça veut toujours dominer. Ça mérite pas ça. Mais c'est ça qu'il est attiré par ça. Un homme va toujours être attiré vers le mouvement d'une femme, le côté fluide. Plus la femme parle danse, plus elle est physiquement danse, plus elle est danse, moins le gars est attiré. Par contre, le gars qui est attiré par la fluidité, il est confronté au pire de ses problèmes, la peur de perdre. Un homme a toujours peur de perdre une femme, tout le temps. Mesdames, pensez jamais qu'un gars est sûr de vous. Ça n'existe pas. Il est pas né, ce gars-là, encore. Un gars a toujours peur de perdre sa femme, tout le temps. Même si c'est une femme d'un soir, d'une semaine, dans le pays. C'est toujours une peur de perdre. Tout le temps. Faut qu'il fasse le macho, puis le gars qui fait bien l'indépendant. En fait, il faut simplement qu'il soit un gars qui pense qu'il peut en avoir 10-12. S'il pense pas qu'il est capable d'en avoir 10-12, s'il voit qu'il en a une, qui est pour elle, elle décide que c'est lui, puis que lui, c'est le privilège, il va toujours avoir peur de perdre. Tout le temps. C'est pas l'argent qui achète une relation. C'est une chimie. Les gens parlent tout le temps de la fameuse chimie. C'est une chimie, puis c'est... Il y a dans l'homme une capacité de s'occuper de l'aspect éthéré de la femme, parce que toutes les femmes sont pas toutes éthérées de la même façon. Je vous l'ai dit, il y a des différents niveaux de densité dans la femme. Puis il y a des types de côtés éthérés chez la femme qui collent. Fait que je vous le dis, le gars, il va toujours être attiré vers le côté fluide de la femme. Même si c'est plus une affaire de physique, parce qu'il arrive à un âge que la femme a plus tous ses atouts sur le plan physique, ça va être tout le temps ce petit côté surprise qu'elle a de voir les affaires comme le gars n'est pas capable de le voir, puis qui sent que là, dans son jugement ou dans sa logique, il est trop épais, là, tu sais, il est dense, là, puis qu'elle est capable d'avoir des subtilités que lui ne voit pas. C'est sûr que cette dimension-là, il faut que ça reste tout le temps dans des zones de support. Une femme qui est plus intelligente qu'un homme, il faut toujours qu'elle fasse sentir à son homme qu'elle est intelligente pour son service. Fonction de support, ça veut dire quoi? C'est pas ingrat, une fonction de support. On n'a pas dit fonction d'esclave. Hein? Parce que là, tu sais, il dit, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez les plus intelligentes qu'un homme. Mais plus intelligente, ça veut dire aussi la science est au service de l'armée. La science, très important, mais c'est toujours l'armée qui est premier servie. Faut comprendre ça. Vous allez dire, non, mais je veux pas que ça soit demain. Il va falloir attendre que les extraterrestres arrivent avant que ça change. Pour l'instant, là, considérez que même si c'est un CD qui est bon juste pour les 4 prochaines années, il est encore bon pour les 4 prochaines années. Puis que cette dynamique-là de support, c'est un fonctionnement suggestif. La femme qui se rebelle contre ça, elle se ramasse toute seule. Puis elle finit sa vie toute seule. Est-ce que la femme est égale? Comment tu peux mettre égale une pomme bien orange? Ça a la même grosseur, mais c'est pas nécessairement égal. C'est différent. De la différence, à mon point de vue, ça ne s'égalise pas. On peut pas égaliser de la différence. Qu'on soit complémentaire, qu'on soit essentiel pour l'autre, ça ne nous donne pas d'égalité. Là, vous allez dire, oui, mais c'est important sur le plan politique qu'on ait des droits égaux. Des droits sociaux égaux, j'en conviens. C'est sûr que quelqu'un à diplôme égal, ça peut s'attendre à un salaire égal. J'ai pas de problème avec ça. C'est pas à ce niveau-là que les gens discutent une égalité. Ils vont en général discuter une égalité dans un rapport de création. Il y a un travail qui doit se faire, et dans le travail qui doit se faire, tu sais, on pense exemple à n'importe quoi qui demande d'être projeté à l'extérieur. Le vendeur s'en va à l'extérieur, il est l'élément guerrier, il est l'élément qui doit aller chasser, qui doit aller développer quelque chose. Il faut qu'il soit supporté par une structure. La structure qu'il supporte n'a pas à faire la guerre. Elle a à donner une force, une autorité, une présence forte pour que le vendeur puisse avoir un nom, une réputation à défendre, puis qu'il soit capable de livrer la marchandise. Fait que si le gars dit, ben écoute, je vais te livrer 2000 machines de telle affaire, ben il faut qu'il soit capable de livrer, puis il faut que la production ou tous les éléments qui supportent son affirmation soient capables de délivrer dans le temps voulu. Donc, vous avez des éléments qui s'en vont vers l'extérieur pour engendrer un processus d'action, un processus de développement de territoire, pour être plus exact dans la terminologie. Et ce qui est à la maison, donc au head office ou à la centrale, appelez ça comme vous voulez, c'est juste des mots, bien ça doit travailler en parfaite syntonie avec ce qui est à l'extérieur. Bon. Vous êtes seul dans la vie, vous êtes célibataire, vous avez ça à gérer. Vous avez à gérer votre zone de régénération, qui est votre habitation, puis vous avez à générer votre zone de projection, de mise à projet, ou de appelez ça de l'exploration, d'expansion ou du développement, name it. Il faut qu'il y ait une synchronicité entre ce que le vendeur va vendre et ce que la structure va livrer. S'il y a un déséquilibre là-dedans, le vendeur va se ramasser, comme on dit, sa paille, parce que il va promettre des choses que la centrale n'est pas capable de fournir. Faut toujours que ça soit en équilibre. La raison des divorces aujourd'hui, c'est qu'il se crée un déséquilibre là-dedans. Il y en a un qui promet trop pour ce que l'autre est capable de produire, ou celui qui produit s'écrase puis il permet pas de supporter l'autre, ou il produit trop puis l'autre il prend des surplus qui est obligé de vendre à moitié prix. Il y a un déséquilibre qui s'installe. Pourquoi? Parce que les deux cherchent à avoir un rapport égal. Tu as besoin, dans ta différence, de certaines ressources, mais il ne faut pas que tu empêches l'autre d'avoir accès aux ressources de la structure que vous vivez ensemble. Là, à ce moment-là, si on parle de droits égaux, je suis d'accord. Tout le monde a les droits d'avoir dans son pouvoir décisionnel une capacité d'impact qui peut avoir un aspect individuel. Tu sais, ça peut être intelligent d'individuellement recevoir quelque chose sur ton propre centre décisionnel. Ça ne peut pas passer toujours entre les mains de l'élément mâle dans la maison. En passant, il y a des femmes, des fois, qui sont matriarcales. Donc, ils sont eux, l'élément mâle. Et le gars peut avoir le même problème que la femme, là. T'sais, faut pas s'endormir au gaz là-dessus. Je parle surtout du principe féminin. Donc, si on parle de différence, on peut parler de différence dans la mesure où c'est vivable quand il n'y a pas une égalité dans les pouvoirs d'action. Tu sais, une structure d'action peut exiger les deux tiers des ressources, mais il faut que dans le tiers qui est restant, que ça soit bien défini, que l'autre y a accès. Si ça, c'est rompu, vous allez avoir des problèmes. Donc, la femme a besoin, dans sa vie, de beaucoup de définitions parce qu'elle ne s'attarde pas à ça. Étant plus éthérée, par nature, c'est comme la définition dans la femme, c'est quelque chose qu'elle néglige. Je ne sais pas toutes les femmes, il y a beaucoup de femmes, une majorité de femmes, qui négligent la définition dans la femme. Ça fait quoi, ça, comme conséquence? Ça fait une société de femmes qui ne pensent pas en termes de droit à l'individualité, mais qui pensent en termes de droit relié à la famille. En tant que personne qui défend les enfants, de personne qui défend son mari, elle a des droits. Mais quand il est question de se défendre elle-même, personnellement, elle a un manque sérieux de définition. En d'autres termes, elle défend bien tout ce que l'homme veut bien qu'elle protège de ses intérêts à lui. OK? Ça, c'est délicat. Parce que là, à ce moment-là, ce qui est dense, c'est toujours une volonté masculine. De la définition étant par principe un principe masculin. Fait que la femme, elle rentre dans un process féminin, mais plus dense, moins éthéré, moins dans la laine. Et puis là, elle se dit, ben, c'est correct, je suis intéressé à supporter, mais je veux dans ma zone de support, donc dans le caractère central d'énergie que je représente pour monsieur, je voudrais qu'on mette les contrats clairs. Qu'est-ce que je fais dans ta vie? Où est-ce que c'est essentiel? Où est-ce que je suis remplaçable? Où est-ce que je ne suis pas remplaçable? Où est-ce que le temps que j'ai passé, le 15, 20, 30 ans que j'ai passé dans ta vie, ça compte? Ça, c'est de la définition, ça. Une femme ne pose pas ces questions-là. Une femme qui vient me voir, moi, y faire poser ces questions-là. Je vais y faire aller chercher des réponses là-dessus. Puis là, ça bouleverse son univers parce que elle veut pas penser à ça. Parce que si elle pense à ça, elle va obliger l'homme à prendre une attitude plus chaleureuse avec elle parce que il faut qu'il soit capable d'être généreux. Parce qu'il est habitué de prendre, mais pas nécessairement de justifier une position de donneur. Il prend, puis donneur, ça, c'est quand ça y tente. Là, il est obligé de dire, il y a un engagement. Là. Dans l'engagement, je suis où là-dedans? Là? Je me positionne où? Là? Jusqu'où j'ai le droit de décider sur notre vie? Pas ta vie, mais notre vie. Puis où est-ce que ta vie commence, puis où est-ce que notre vie commence? C'est une job, ça, là. Mais ça, la femme, l'homme, lui, va le faire naturellement. T'sais, il va toujours regarder, même s'il n'a pas été à l'université, même s'il n'a pas pris de cours, c'est naturel chez l'homme de savoir qu'est-ce qui est à son avantage, pourquoi qu'il protège la femme, pop. Il va toujours regarder ça en rapport très mathématique. Tandis que la femme, c'est pas mathématique. C'est quelque chose qui est ambiophonique. Ça capte les plans. Ça capte les ambiances, puis ça se moule l'eau, il y a une bonne ambiance. Un gars dit, ben, je la trosse pas, ma femme, mais je sais pas, on dirait qu'elle peut s'analyser comme un courant d'air. T'as pas tort, man. T'as absolument raison. C'est très éthéré, une femme. Donc, ça peut, si à un moment donné, ça n'aura le bol, si t'es pas capable de faire une étude de qu'est-ce qu'elle demande, tu risques de te ramasser de cul sur la poêle, puis d'une façon totalement irrationnelle, là. Femme, ça marche avec le cœur. Oui, c'est vrai, ça marche avec le cœur. Pourquoi le cœur? C'est que ça marche avec ce que ça sent. Ça sent les choses. C'est envahi par un senti. C'est envahi par une vibration. Puis quand c'est mis en vibration, là, il n'y a rien pour arrêter ça. Fait que c'est comme une écluse, là, tu sais, qui barre là, de l'eau, là, des gros lacs, là. Puis à un moment donné, ça crée une faille là-dedans, là, puis ça envahit des terrains. C'est incroyable. Puis ça marche comme ça. Puis en tout cas, les gars qui sont pas d'accord avec ça... J'aurais quelques spécimens à vous faire rencontrer. Vous y comprendriez vite. Pourquoi que la femme, à ce moment-là, si elle peut faire tout ça, ce dégât-là, elle le fait pas? C'est parce qu'elle aime. Le gars, il est protégé par l'amour que la femme a de lui. Une femme qui aime plus, c'est le pire de tous tes ennemis. Une femme qui t'aime, même si tu l'as en gueule, si elle t'aime encore, t'es toujours correct. Fait que, elle doit avoir dans le... Tu sais, je sais pas, tu te choques après, là, puis elle te regarde, puis elle te voit comme un enfant qui chicane, là, puis qui est deux doigts dans la confiture, puis s'est fait prendre, là, puis là, elle te regarde, là, comme une mère, tu sais. T'es chanceux, tout bonhomme. T'es chanceux de voir ça de même, qu'elle avoue ça de même, parce que ça te permet de garder son amour qu'elle a pour toi. Tu vas dire, ouais, mais elle devrait être moins aimée, puis papa. T'es toujours mieux avec une femme qui aime qu'une femme qui haït. Toujours. Et sacrifice. Le mariage, d'ailleurs, pour un homme, c'est le plus gros des risques pour savoir s'il va y avoir quelque chose qui se supporte ou quelque chose qui va y nuire. Puis c'est tout est basé sur l'amour de la femme, pas le gars. Le gars, lui, il va aimer pendant un certain temps, la conquête, papa, papa, papa. Mais ça restera toujours l'affaire que si ça aime dans la maison, c'est la femme qui amène ça. Une femme qui aime plus dans la vie d'un homme, là, elle est là juste pour le cash. Quand t'es rendu à ce stage-là, vous êtes aussi bien de vous séparer, ça marche plus. Il n'y a plus rien, là. Il se passe plus rien. Là. La femme, à ce moment-là, elle est plus capable de vivre son côté éthéré. Puis quand elle va voir, Elton John, peut-être pas Elton John quand même. Eh, boy, boy. Non, c'est pas lui, je pensais. Mettons Brad Pitt, là. Mais si elle voit Brad Pitt à la TV, là, puis qu'elle commence à se sentir femme, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que t'as pas fait. Puis c'est bien important que t'ailles chercher l'amour qu'elle a pour. C'est ça. C'est un complément de la création. C'est un complément dans la création. Ça veut dire quoi, ça, c'est un complément? La femme, elle voit tout le temps ce qui manque. Le gars, il voit tout le temps ce qu'il a à faire. Vous voyez la différence? Le gars, il voit ce qu'il a à faire. Il voit pas nécessairement ce qui manque. Fait que le gars, il est plus dans une projection dans le futur, dans l'anticipation de ce qui doit être établi. Il engendre un ordre sur l'échec ou sur l'erreur. Quand il fait une erreur, il se corrige. La femme, elle voit l'erreur avant que ça arrive. Elle va dire, écoute, là, ça, là, j'ai l'impression que, ta-ta-ta, ouais, mais es-tu capable de me le prouver? Ça, c'est le gars qui va dire ça. Elle n'est pas capable de te le prouver. C'est un senti. Elle pogne la vibration. Elle est capable de saisir subtilement qu'est-ce qui fait que dans la démarche créative, il y a un manque. C'est pas toujours logique, là. Le gars est capable de dire, OK, j'arrête, là, puis viens me montrer ça. Je sais pas où. Ouais, mais si tu sais pas, je fais quoi, là? J'attends. Puis c'est là qu'est le gros du problème. C'est qu'elle est capable de compléter un manque, mais pas capable d'expliquer la conséquence de ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'elle fait. Puis ça, c'est une des grosses problématiques de la compréhension entre l'homme et la femme. Le gars, il demande des rapports. Une femme, elle demande juste d'être écoutée. Le gars, il dit, ouais, mais je t'écoute parler, là, puis je m'en vais nulle part avec ça, là. En quelle semaine que je vais pouvoir me repartir dans mon projet? Ben, elle est pas capable de le dire. Elle est pas capable de rien dire. Elle fait juste elle parle. Bon. Partez du principe qu'elle remplit une piscine, puis c'est le son que ça fait, l'eau qui tombe dans la piscine. Puis que quand elle va avoir fini de parler, ça va être le temps de repartir. Puis faites quelques affaires qu'elle vous dit de faire. T'sais. Si vous êtes dans un gros dossier, puis elle dit, tu viendrais-tu au restaurant? Ah, allez-y. Peut-être qu'au restaurant, vous allez rencontrer quelqu'un qui va débloquer le dossier. Peut-être que pas non plus. Puis peut-être que ça va juste vous changer la vibration. Vous étiez trop stressé, puis qu'elle sent que vous pourriez faire une crise cardiaque à gauler comme ça. Puis commencez pas à calculer ce que vous perdez. Parce que quand vous regardez le comportement de la femme avec l'homme, ça a toujours de l'air perdant. On perd toujours quelques scènes, mais on a tellement de fun. Il faut savoir vivre dans la vie. Puis vivre, c'est de la consommation. Fait que, ben, mon chéri, on part en voyage. Le gars, tout de suite, il dit, c'est 5 000 piastres. Oui, mais il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Et... Par contre, si tu tombes malade parce que ta femme, tu ne l'écoutes pas, puis qu'à un moment donné, elle a tellement pas été écoutée qu'elle ne parle plus pantoute, elle fait juste capter. À un moment donné, elle va te regarder avec des gros yeux, puis ça veut dire que t'as le sida, t'as le cancer, t'as quelque chose, man. T'as tellement pas écouté, là, elle te regarde, puis elle te voit mort. Ou si dans ce cas-là, elle appelle Urgelle Bourgie, puis elle dit, oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro. Et ça, la ligne de montant, faut finir là, toi, là. Fait que, il y a quelque chose, cas-là, t'as avantage à regarder ça deux fois. Moi, j'ai beaucoup appris avec les femmes quand tu me donnais des petites phrases célèbres de temps en temps, en consultation. Je lui parlais, je lui disais, ben dans la vie, il faut faire ça de même, pop, pop, pop, pop. Puis là, un moment donné, il partait dans un état gazeux, là, qu'est-ce qu'elle avait fumé, elle, aussi. Puis là, elle me disait quelque chose, puis j'étais assez perceptif pour dire, ça, c'est pas elle qui parle, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Puis je regardais qu'est-ce qu'elle me disait, puis il y avait un message là-dedans, qu'elle n'aurait jamais été capable de me lire, puis que j'étais capable de lire, mais le message était là pareil. Comprenez-vous? C'est bien intelligent, une femme. C'est juste que ça ne sait pas le dire. Une femme qui s'est dit ce qu'elle sent, ah, c'est un génie. C'est extraordinaire. C'est le suprême support pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle structure, n'importe quelle façon de faire. Je trouve, moi, que les femmes qui vont étudier, qui lisent beaucoup, qui se donnent l'avantage d'avoir énormément d'intérêt pour comment ça se passe dans la société, je trouve qu'ils font un travail énorme parce qu'ils ont réellement une intuition. C'est eux autres qui vont mettre la planète sur pied quand ça va être fini de sauter, là, parce que là, ça s'en va, là, la grippe aviaire. Puis je lisais un livre d'un de mes amis qui crée une affaire sur la santé, Pierre Dulca, puis c'est vrai, là, on est réellement à la fin, là, ça n'a plus d'allure, ça ne peut plus continuer de même. C'est la femme qui va remonter ça. On va donner du pouvoir à la femme, il va y avoir des femmes qui vont être premier ministre ou premier quelque chose, puis ils vont tout régénérer ça, là, avec leur vision. Ils vont avoir une vision, ils ne sauront pas comment le faire, mais ils vont dire, bon, ben faites-vous des comités, là, puis je pense que c'est ça qu'il faut faire, puis là, ben il y a quelqu'un qui va étudier ça, puis ils vont rentrer là-dedans, puis ils vont faire de quoi. T'sais, pourquoi les hommes ont de la misère à accepter qu'une femme ait de l'autorité ou du pouvoir dans la société? C'est parce qu'ils voient toujours une femme comme un support. Puis que quand une femme, je me souviens d'HP, il y avait une femme qui était présidente de Hewlett-Packard, là, en lâché il n'y a pas longtemps, mais elle avait de la pression tout le temps. Puis elle a fait une bonne job. Elle a fait des fusions avec des compagnies, puis qu'aujourd'hui, ça va bien HP. Mais on y tapait tout le temps ses doigts plus qu'un gars. Parce qu'on la voyait plus comme un rôle de support. Les femmes sont vues tout le temps dans un rôle de support. Les gens ont beaucoup de difficultés à les voir dans un rôle proactif de création puis de puissance pour engendrer quelque chose. Ça va changer. C'est en train de changer. Là, c'est neuf, qu'est-ce que tu veux. Les hommes, ça fait des milliers d'années qu'on a le pouvoir. Quand on aura donné 1000 ans de pouvoir à des femmes, des petits pouvoirs au niveau social, puis éventuellement des grands, bien, on aura d'autres résultats. On pourra pas parler d'égalité, on va pouvoir parler de différence. Mais comme ce phénomène-là de reconnaissance des plans va être fait dans ces années-là, ben ça va être plus facile. On va avoir des... Ouais. Ça, c'est sûr que... Tu sais, l'aspect éthérique de la femme, vous autres, les femmes, vous le savez. Je vous parle de ça, puis c'est clair dans votre tête que ça se passe de même. Vous captez des choses, c'est pas rationnel nécessairement, c'est pas facile à expliquer, mais... je vous dirais que c'est pas le mandat de l'homme de vous comprendre. Ben, c'est votre mandat de vous faire comprendre. Moi, c'est votre mandat, les femmes, de vous faire comprendre. C'est votre responsabilité. Notre responsabilité, nous autres, dans la forme, c'est de structurer des projets qui sont compréhensibles, puis utiles, puis fonctionnels pour tout le monde. Ça, c'est notre job. Un gars peut dire, ben moi, j'ai une force de travail, j'ai un talent, j'ai une certaine reconnaissance pour appliquer des actes avec des ressources financières, toute la patente. Mais il faut qu'il délivre, le gars, là. Il faut qu'il mette ça en ordre puis que ça délivre quelque chose de concret. Il est obligé, lui. C'est sa job. Il est né pour faire ça, là. Il n'a pas le choix, là. S'il ne fait pas ça, il sait qu'il n'est pas un homme. OK? Mais vous autres, les femmes, vous avez la responsabilité d'être capable de vous transférer, de vous transmettre. C'est votre job. Un gars, des gars entre gars, ça se comprend ça se comprend pas parce que ça se parle. Ça comprend dans ce que ça fait. Les gars, là, nous autres, là, les gars, là, entre gars, là, moi, je suis avec lui, je fais du stock market. Je suis pas trop d'accord avec ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait, c'est le langage qui me parle. C'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Cet après-midi, je voulais vendre une place, puis lui, il l'a pas fait. Puis c'était lui qui opérait le compte. Mais ce qu'il fait, c'est son langage. Puis je m'ajuste à son langage, dans ses actes, et non pas dans de la théorie. Les hommes entre hommes, on carbure pas à l'impression, on carbure à l'action. Il faut que votre parole soit transmissible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre parole qui doit être appuyé par un acte potentiel ou une décision ou quelque chose de substantiellement concret. Le gars va avoir de l'oreille à partir de là. Il veut simplement un résultat. C'est même pas une preuve. Vous autres, vous vivez ça comme il me rejette dans mon senti. Ça n'a pas de rapport avec ça. Un gars pense pas comme ça. Moi, je vis pas l'affaire de il me rejette dans mon senti. Tu sais, moi, je sentais qu'il fallait sortir à telle place. C'est pas moi qui commande. Fait que lui, c'est lui qui opère. Là. Il opère, that's it. Puis je vis pas de frustration sur le fait que j'avais raison ou j'avais pas raison. C'est pas une affaire d'avoir raison, c'est une affaire de travailler en équipe. Le travail d'équipe est plus important que le projet. Qu'est-ce que tu fais l'hiver? Tu t'habilles, hein? L'hiver, tu peux pas changer ça, c'est frette. Avec l'hiver, tu mets des gants, tu mets des bottes, tu mets du linge chaud. Tu traites avec une dimension incontrôlable. Mais l'homme, dans sa nature, c'est absolument incontrôlable. Il est fait de même. Au même titre que nous autres, vous êtes... c'est weirdo en crise, vous comprendre. Mais la femme, faut qu'elle comprenne, un gars, c'est un gars, c'est comme une température, ça change pas, ça. Tu peux pas changer l'hiver. L'hiver, c'est l'hiver, il va être l'hiver, puis that's it, c'est l'hiver. Là, ça fait la femme qui se ferme, et puis là, le gars, il est fourré, là, parce que c'est une dynamique qui s'installe, genre, si tu me donnes pas, au moment où je te le demande, t'auras rien pour le reste de ta vie. Tu me suis? Le gars, il deal pas avec ça, lui, tu sais, écoute bien, là. Si t'achètes mon frigidaire, il faut que t'achètes le poêle. Le gars, il dit, je peux t'acheter juste le frigidaire? Non, il faut que t'achètes le poêle. Le gars, il dit, écoute, moi, je peux pas dealer avec toi, je veux juste acheter le frigidaire. La femme, elle a vu qu'elle achète le couple. Puis le gars, il en veut pas. Il veut juste avoir le frigidaire. Moi, je veux juste avoir le frigidaire. Je veux pas avoir le poêle et le frigidaire. Fait que là, là, elle va me dire, là, elle m'arrive, elle dit, tu m'écoutes pas! Ben oui, je t'écoute pas. J'ai pas besoin du poêle. Je t'écoute pas. C'est sûr, je t'écoute pas. J'en veux pas. C'est pire que ça. Si j'en voudrais, là, je pourrais commencer à écouter. Mais j'écoute pas, j'en veux pas. Ça, ce point-là, il est bien touché. Puis, tu sais, t'es pas un modèle unique, là. J'ai eu des modèles plus mordants que ça dans ma vie, là, privée, j'entends, là. Non, non, rentre pas dans du personnel. Moi, je suis en conférence. Non, je suis en conférence, là. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la femme, dans une situation où elle vit l'affaire du combat pour la reconnaissance, il y a toujours dans l'affaire de la reconnaissance une sorte de rythmique, surtout quand tu es avec l'homme. Quand tu es entre femme, peut-être que c'est plus facile. Mais il y a une affaire de rythmique qui fait qu'à un certain moment donné, t'as pas raison, mais t'as raison. Tu sais que t'as raison, mais ta raison n'est pas compatible avec la raison de l'autre. Puis il faut qu'il y ait un temps pour que les deux roches s'ajustent. Puis il faut que les roches s'ajustent, parce que c'est vraiment des roches qui doivent s'ajuster. Parce qu'une femme boquée, c'est aussi boquée qu'un homme boquée. Tu sais? Puis souvent, la femme boquée rencontre un gars boquée. C'est parce que c'est une affaire de roche. Frotte, frotte, frotte, frotte, frotte, frotte, frotte, frotte, frotte, frotte, frotte. Puis à un moment donné, les roches sont ajustées. Mais combien de temps ça prend pour prendre deux grosses roches dures, du gros granit dur, pour s'ajuster? Quelques siècles. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un homme écoute? Bien, je l'ai donné la réponse un petit peu tout à l'heure. Faut pas que la femme insiste. Elle peut suggérer fortement, mais faut pas qu'elle tombe dans l'affaire de « tu vas faire ce que je te dis ». Écoute, le gars, il a besoin de voir quelque chose de concret. Si la femme, elle peut pas passer par la parole, il faut qu'elle passe par quelque chose de concret. Concret, il faut que ça soit concret. Un gars, ça carbure au concret. Ça carbure pas à d'autres choses. Peut-être que nous autres, on n'a pas la vibration dans le sens de l'information, mais on a une astuce de vibration, puis quand c'est le temps de faire quelque chose, on l'a la vibration. Mais la femme, elle rentre dans l'affaire d'avoir de l'autorité dans ce qu'elle capte. Elle capte quelque chose, puis il faut que ça se passe tout de suite, là. Drette là. Mais je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. La femme n'est pas dense. Pour être capable de supporter du temps, il faut avoir de la densité. La femme, elle va capter quelque chose, puis comme elle n'a pas de densité, c'est dur de supporter ça. C'est même... Ça doit. Ça doit. Ça, c'est l'aspect négatif du pas éthéré, c'est qu'une personne qui est trop éthérée a beaucoup de difficultés à vivre dans le temps, puis le temps puis la densité, c'est intimement lié un dans l'autre. Ça demande, pour supporter du temps, ça demande de la colère, ça demande beaucoup, beaucoup de guerriers dans le corps. Puis la femme qui développe son guerrier, incapable, le caractère guerrier de son être, est incapable de supporter le temps plus qu'une femme c'est en l'or. Par contre, une femme qui est capable de supporter le temps, elle capte moins aussi. Peut-être que c'est un avantage de capter moins. Parce que quand tu captes trop, ben t'en souffres, puis tu fais souffrir ton environnement qui n'est pas capable de s'exécuter dans le temps de ce que tu vibres. Fait que le conflit qui existe souvent là, dans l'affaire de l'homme puis la femme, c'est souvent un conflit de rythme. Je pense pas que ce soit un conflit de compréhension. Puis quand une femme dit « le gars, il m'écoute pas », il y a deux choses. L'une, il t'écoute, mais il t'écoute pas comme tu veux, ou il comprend rien. Puis quand il comprend rien, puis tu t'insistes, puis tu dis « tu comprends rien », il va te dire « oui, c'est vrai ». Puis si c'est vrai, force pas, là, il comprend rien. Dans une heure, il comprendra rien, puis dans deux jours, dans deux mois, il comprendra rien. Si tu prends pas le temps de se faire comprendre, puis c'est quand je dis c'est votre responsabilité, vous autres, les femmes, de savoir vous transmettre, c'est pour ça que vous devenez des spécialistes de la communication, parce que tous les obstacles que ça vous crée dans la société de vous faire créditer, de vous faire valoir, de vous faire voir dans ce que vous êtes. Un gars, qu'est-ce qu'il aime d'une femme, c'est de la regarder. Ça parle pas, ça. Il dit, hey, es-tu belle? Hey, es-tu belle? Où est-ce que ça parle? Ça parle pas. C'est quand elle commence à parler, puis que là, il faut qu'il oublie l'impression physique qu'il y a, puis que là, il faut qu'il comprenne, là, il y a un conflit qui s'installe. Tu regardes n'importe quoi. Qu'est-ce que les hommes aiment des femmes? Leur présence, sous certaines conditions. Pourquoi qu'ils disent tout le temps « sois belle et tais-toi » Pourquoi le « tais-toi » est si important? C'est pas compliqué, il comprend rien, le gars. Il comprend rien. Il comprend rien. Puis quand t'en as une qui est le moindrement intellectuelle, qui lit beaucoup, qui est très informée, quoi que ce soit, elle va toujours te chercher quelque chose qui va affronter ton rationnel. La femme, elle a une mission sur la planète. Ça m'a pris du temps à comprendre ça. Puis, est-ce que les hommes, on en souffre? Une femme, n'importe laquelle, ça met toujours deux hommes en compétition. Tout le temps. La femme la moins belle sur la planète, elle va toujours mettre deux hommes en compétition. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Puis des fois, j'ai dit, c'est-tu la méchanceté? Parce que nous autres, on souffle là-dedans. Mais moindrement qu'elle va entendre son mari dire, lui, je pense qu'il est meilleur que moi. Elle va tout faire pour les faire se rencontrer, pour que le gars dépasse sa peur. Une femme, c'est toujours dans la vie d'un gars pour qu'il dépasse une peur. Tout le temps. Regarde ton chum, tu me l'emmènes en consultation. Tu n'es pas capable de le brasser comme je le brasse, parce que Chris, lui, il faut y aller à la masse, là, tu sais. Oui. Fait que toi, Chris, tu m'en es, tu n'es plus capable, tu as payé les bras pour fessiture. Tu me l'emmènes pour que ça brasse, là, go à go. Et tu mets un homme en compétition avec un homme. Comment ça? Vous faites tout ça. Toutes les femmes font ça sur la planète. Puis à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi ce game-là? Puis les fois, ça m'expliquait qu'une femme, c'est venue sur la planète pour faire évoluer les hommes. Puis pour faire évoluer un homme, il faut que tu le confrontes. On est des guerriers. Avec un guerrier, là, tu sais, ça s'endurcit, ça s'amollit pas. C'est pas, ça cherche pas à gazer puis à se laisser. Même les artistes mâles sont plus guerriers que les femelles. Donc, t'es animal, c'est comme ça. Mais si tu mets toujours des confrontations comme ça, là. La femme est capable de créer des états d'harmonie entre des guerriers ensemble, que si elle n'est pas là, ça se passera pas. Puis en les confrontant, elle réussit ça en les confrontant. En étant souvent, le centre d'attraction, souvent. Si le gars est toujours à l'affût du territoire, puis il veut toujours avoir la priorité, tout le temps. OK. Tu voyais, si vous seriez capable de voir les games occultes que les femmes jouent entre les enfants puis le père, vous verriez que ça s'applique même dans les familles avec les femmes les plus fidèles sur la planète. La femme va toujours emmener son homme dans les peurs qu'il y a, à être confronté avec d'autres hommes. Tout le temps. C'est quoi le rôle de sa communication, ce moment-là? Moi, je pense pas que la femme a besoin de parler pour s'expliquer. Parce que pour une femme, s'expliquer, ça équivaut à justifier. Un gars s'expliquer, il justifie pas, il fait juste s'expliquer. Tu sais, je dis à Gilles, t'as-tu vendu à 5,85? Il dit non. Je ne demanderai pas de se justifier. Il va dire, bon, ben, il y a tel signal, ta-ta-ta-ta-ta, puis moi, c'est que là. Une femme, tu fais ça, là. Je t'avais dit que 185, il fallait vendre, là. Tu tombes dans une affaire de justification. Parce que c'est précis. Le mental d'une femme, à cause que les forces sont proches, c'est précis. Mais on n'est pas sur une planète précise. Fait que sa précision, il y a beaucoup de gaspillage là-dedans. Fait que c'est comme, il y a un conflit, si tu veux, entre la précision de son mental puis la femme qui veut pas réagir à cette précision-là, parce que c'est comme, c'est pas nécessaire. Comment qu'on arrive à communiquer avec un homme si en étant capable de laisser passer des choses? Puis de s'appliquer plus sur qu'est-ce qui est viable pour le gars, plutôt que qu'est-ce qui est précis pour la femme. Il faut pas qu'elle prenne personnelle la communication qu'elle a. Si elle a de la communication, c'est pas elle qui pense. Je pense que si une femme comprend que c'est pas elle qui pense, mais moi, il y a bien des affaires que les forces me parlent, puis ça sert à rien. Là, t'sais. Je dis, je peux pas faire quelque chose avec ça. C'est intelligent, mais c'est pas utile. Par contre, si ce que les forces me disent, j'en fais pas de pouvoir avec, je prends pas ça dans le jeu, puis je fais juste exprimer ce que ça a comme tendance, bien là, à ce moment-là, l'autre peut me recevoir là-dedans, parce qu'il vit pas ça comme une imposition. Oubliez jamais que quelque chose qui ferme, c'est parce qu'il y a trop de vent. Tu sais, tu vas tout te couvrir contre la température. Tu vas ouvrir s'il fait chaud. Et si t'es pas chaleureux, là, le gars, il rouvrira pas, là. Puis s'il rouvre, c'est pas pour dire qu'il t'écoute, là. C'est pour étudier ce que tu dis. Un gars, ça va toujours étudier ce que tu dis. Ça ira pas dans le sens de tu le dis, on le fait, là. Parce que entre gars, c'est comme ça qu'on marche. On s'étudie. Le gars, il dit ça, ouais. Puis là, je regarde dans ma slotte, pop, pop, pop, puis on avance demain. Fait que ça peut pas être différent avec une femme. Surtout si ça a des implications financières. Surtout si ça a des implications de carrière. Tu sais, dit que j'ai fait sur l'homme, là, j'ai été bien clair là-dessus. Un gars va toujours choisir sa carrière avant sa femme. Hein? Oubliez-les jamais, ça. Okay. Puis ça, c'est ça. La femme, par rapport à l'argent, c'est le meilleur moyen pour une femme d'apprendre à se définir. C'est essentiel. Le gars, toute sa vie, va se battre pour ça. La femme, toute sa vie, elle va se battre pour que son mari fasse de l'argent, pour lui donner de l'argent. Fait qu'éventuellement, si elle se marie pas, ou si elle est célibataire, l'argent, il faut que ça soit un bon moyen de se définir pour elle. Parce que je vois trop de femmes qui vieillissent, à un moment donné, ils ont pas la protection de la finance. Ben, c'est pas bloqué, non. C'est simplement, ils ont pas le mental pour s'organiser au niveau de la finance. Ça a changé depuis 15-20 ans, là. Les femmes sont plus structurées, connaissent plus de droits aussi. Mais c'est pas parce que t'es capable d'aller en chercher à un homme que tu sais gérer de l'argent. Fait qu'il y a trop de femmes qui se fient sur le fait qu'ils peuvent hypothéquer la carrière ou la vie d'un homme. Mais c'est pas faire de l'argent, ça. C'est pas parce que t'as un héritage que tu sais quoi faire avec ton héritage. C'est pas parce que t'es capable de demander 50% du salaire du gars que tu sais quoi faire avec l'argent, là. T'sais, fait que pour la gestion, il y a des femmes qui sont capables de bien administrer, mais de bien gérer, c'est une autre affaire. Administrer, c'est prendre de l'acquis puis de s'assurer que ça produit suffisamment pour répondre à tes besoins. Mais gérer, c'est prendre des décisions, prendre des risques, se glisser dans le vide puis faire des affaires que ça demande de conquérir du territoire. Ça, c'est là qu'est le point faible. La femme a un point faible. Moi, je trouve que les femmes, c'est des bonnes administratrices, mais c'est difficilement des bonnes gestionnaires. Partant du principe qu'ils se lancent pas dans le vide. La femme qui se lance dans le vide, elle va toujours comme se chercher un homme ou un environnement très structuré pour se donner une enveloppe, un confort dans sa prise de décision, parce que ça a beaucoup de difficultés à se donner de la définition dans des systèmes, dans des structures, des choses de même. La femme qui réussit ça, elle vient de régler le problème du yin puis du yang. Là. Elle a son côté féminin balancé avec son côté mâle. Mais si ça apparaît, là, on en voit dans la société, mais c'est pas commun. Là. C'est pas encore la norme. Là. Peut-être que dans 1000 ans ou dans 100 ans ou dans 500 ans, ça va être la norme. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui étudient. Il y a plus de femmes aux études dans l'université aujourd'hui quasiment que d'hommes. Ça va probablement faire un turnover là-dessus. Mais c'est nouveau. Nouveau. Moi, je trouve que la femme a besoin de réellement trouver sa zone de définition. Puis la zone de définition, c'est de sortir de ses états vaseux. N'oubliez pas que le sexe joue contre vous autres. Hein. Vous êtes des receveurs. Puis un receveur, il se fait envahir. Ouais, ça dilate, tout ça. Puis c'est dur pour une femme qui a une grosse sexualité d'avoir, disons, un pied de guerre là, pour aller faire du territoire, se structurer, ces choses-là. Il y a comme une confusion qui se crée. Tandis que le gars, lui, il est physiquement né pour être envahisseur, pour être un conquérant. Tu n'as pas dit qu'il va l'être nécessairement, mais il est outillé, mettons. L'argent, c'est juste une valeur d'échange en passant. Hein? Il y a plein d'affaires que tu ne peux pas faire tout seul quand tu es dans une zone de grosse crise de survie. C'est quoi le pilier dans n'importe quoi que... Ça va mal, sa planète. Qu'est-ce qui reste? Il y a des places, sa planète, ça va pas bien. Là. La crise économique, ils ne sentiront pas. Là. Qu'est-ce qu'ils ont? L'échange. Le clan. Essaye donc de survivre, pas de clan, toi, là. Tu sais, tu peux pas t'organiser, tu peux pas tout faire, là. Et tu vas chasser, là, mais tu sais, chasser en l'honneur, là, va te faire une maudite motivation. Fait que tu vas revenir au principe de base, là, la famille, le clan. La famille, parce que, bon, t'as besoin de famille pour te... motivé, t'a aidé à fighter, mais tu vas quand même revenir au clan. C'est le clan qui va... C'est une quarantaine de familles qui vont réussir à s'organiser et à structurer, refaire une structure pour garder un module plus intelligent. Excepté que dans ce temps-là, les gens vont savoir qu'est-ce qui va avoir mis la structure à terre. T'sais, l'appât du gain, la voracité, l'excès dans les comportements psychologiques, fait que les gens partiront pas à zéro. Là. On sera pas comme dans les années 1400. Là. L'homme va être obligé de travailler avec l'intelligence de la femme pour des raisons de survie. Là, le gars, c'est encore des raisons de survie, mais il y a beaucoup de mélange d'ego, puis d'orgueil, puis de réputation, puis d'image sociale là-dedans. Fait que ça crée beaucoup de failles dans le rapport. Mais dans une zone de crise comme il va se passer, c'est sûr que... Je pense que la femme structurée va avoir bien des chances de faire son point. Mais à ce stage-là, de faire son point, tu vas t'en foutre pas mal. Parce que c'est pas ton point que tu vas vouloir faire. C'est juste comme continuer à vivre. Puis juste trouver des motivations pour vivre, ça va déjà être de l'ouvrage. Fait que il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, puis de la communication très, très, très intelligente.